Les fesses, ça fait bouger les fesses. Non, c'est pas ça. Les queues, ça fait bouger les yeux. Les fesses, ça fait bouger le reste. Et Guigou qui gna, ou Guigou qui gna.